Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you. This is harder than I thought it would be. Being there in my Prozac dreams. So your beauty am I kept in mind. Imagine your smell and touch. Imagine all of us. I'm sure we want to find our place. We're alone inside, that will never change. Deux morceaux en hommage, deux guitaristes qui nous ont quittés. Le guitariste de Jefferson Airplane, et vous avez reconnu le légendaire After Bathing at Baxter's, ça date de 67. Et le guitariste du groupe polonais Riverside, qui est à Lyon fin 2015, avec un mini-LP de toute beauté intitulé Voices in My Head. Donc c'est polonais, ça date de 2006. Voilà, petit hommage à ces deux grands guitaristes qui nous ont quittés. Nous allons partir maintenant pour deux nouveautés et puis une émission après très très spéciale. Je vous laisserai découvrir. C'est des choses que j'ai rapportées de chez les grands bretons. Mais tout de suite, deux nouveautés qui sont, le hasard le veut, également britannique, un mini-album de Steven Wilson, qui s'appelle 4,5. Merci à l'ami Michel pour son prêt. Et suivi de Jeffrey Richardson, c'est le violoniste et multi-instrumentiste de Caravan, un album solo de toute beauté, je souligne, de toute beauté, qu'il vient de sortir, qui s'intitule The Garden of Love. Voilà tout de suite, deux nouveautés enchaînées sur Prog à part, l'émission du rock progressif. In the back of a taxi cab in London town, it's like watching TV with the sound turned down. 'Cause I can feel it, I've got a buzzing in my head when I'm on my way. I see the kids deserting ships like shopping malls. The street colors, they ignore their girlfriend's calls. 'Cause they got plans now, and tonight they won't be home. Just wait till the morning comes. Suburban girls, but they don't care now, 'cause they'll soon be safe at home. whisper starts to pass when the rain sets in. Thank you. I was lost in time, no light was my guide, not a cloud above to shade my pride. Then I fell by the way, then I fell by the way. I was lost in love, no words could say, not a cloud. Oui, l'album de Jeffrey Richardson est superbe de bout en bout, intimiste, vraiment très très beau. De retour d'Angleterre, j'ai rapporté une collection invraisemblable d'un groupe méconnu, injustement méconnu de par chez nous. Vous savez que c'est une des missions de Progapart, c'est de vous faire découvrir des groupes peu ou pas connus, passés ou présent ou voire même du futur. Et là, ça s'est fait de façon assez curieuse. J'étais donc en Angleterre avec mon ami Tim en train de peaufiner notre album Silver Hunter pub. Et donc il me dit, tu sais Thierry, il y a les Strobes qui vont venir bientôt dans mon petit village pour jouer. Je dis, les Strobes, ils existent toujours? Il me dit, mais bien sûr, ce groupe légendaire de folk prog est toujours vivant. Alors je dis, bah, tu sais, je connais moyennement un petit peu. Je sais que notre ami Rick Wakeman a joué dans ce groupe-là, dans cette formation, avant d'être recruté par Yes. Mais bon, j'ai un ou deux disques, comme ci, comme ça. Et puis donc, il m'a conseillé, et puis j'ai craqué, je suis tombé sur des pépites, comme on dit dans notre langage. Imaginez un groupe avec une voix à la Peter Gabriel, avec un son à la Genesis, parsemé de quelques instruments folk, et vous tomberez sur cette série B qui fait tant plaisir, un peu comme les groupes comme Caravan, qui ne sont pas forcément bien connus du public et qui pourtant ont su sortir des chefs-d'œuvre. Et bien ce soir, c'est une émission spéciale Strobes. Préparez les cassettes, préparez les clés USB, vous allez avoir une sélection de leur meilleure période, la période progressive qui démarre de 71 et qui se termine, je tourne la page, en 75. Voilà, donc on démarre tout de suite avec l'album où figure notre ami Rick Wakeman. Cet album s'intitule From the Witchwood. Cela vient du bois de la sorcière ou du sorcier. Ça date de 71 et vous allez voir que déjà Rick était talentueux. Scented by the disappointed flowers, the weatherman had promised them warm, soft summer showers. They bowed their weary heads, resigned to wait a few more hours. And we walked together in the half light down secret paths. To a dancing meadow in van of dust within its grasp. discussion. It was surely no disgrace. Her soft skin had the texture of the finest silken lace. Waiting, moist and trembling, it was just the time and place. And the woven bodies sang together in harmony with understanding till we fell back smiling. Rejoicing in the music we had made. The blood-red summer sunset was a slowly spreading stain that rose behind the bandstand as the shepherd played again. We heard his silver trumpet, he had blown away the rain. And we lay together in the long grass, holding hands and making sweet talk till the smell of wood. S'en va rejoindre Yes et nos amis de Strobes vont créer, publier leur meilleur album, paradoxalement, jusqu'à ce jour, un album qui s'intitule Grave New World. Il y a un clin d'œil évident à Aldous Huxley. C'est pas Brave, c'est Grave New World. Ça date de 72 et cette fois-ci, pas moins de 3 extraits pour vous convaincre de la beauté de cet album. Tout de suite, spécial Strobes. Je vous rappelle, vous écoutez Prog à part. Thank you. C'est parti pour un deuxième extrait. Where the city's heart beats, the children play games that they take from the streets. How can you teach when you've so much to learn? May you turn, may you turn. In your eyes, I have seen it before. Planning destruction behind the locked door. Were you the coward who fired the last shot? Troisième extrait, toujours de Grave New World de 72. Thank you. Ah, ce mélotron évoquant King Crimson, les Moody Blues. Ah, cette voix évoquant Peter Gabriel. Vraiment superbe. Et on continue. C'est pas fini avec Bursting at the Seams. Bursting at the Seams sort l'année suivante en 73 et je vous propose cette fois-ci deux morceaux, deux pour le prix d'un. Tout de suite, Bursting at the Seams. Thank you. Thank you. Ce petit final symphonique me rappelle Renaissance, un groupe aussi bien méconnu de par chez nous. Deuxième extrait de Bursting at the Seams qui date de 73. Darling, go to sleep, for the night is young. There are many songs yet to be sung. Oh, but I will sing them all to you before the night is through. And when she lies in need of care and comforting, so as a child's toy she is caressed. And yet when cast adrift upon the changing tide, as a ship becomes, she lies at rest. Oh, darling, go to sleep, for the night is young. There are many songs yet to be sung. Oh, but I will sing them all to you before the night is through. Oh, darling, go to sleep, for the night is young. There are many songs. Ainsi s'achève l'extrait de Bursting at the Seams avec, donc vous avez pu le noter, quelques accents folk médiévaux. Bienvenue. Nous passons à l'année 74 avec un autre album très fort à mon goût qui s'intitule Hero and Heroine, héros et héroïne. Voilà, je vous propose tour à tour trois extraits de cet album de 74. Thank you. Allez, un petit deuxième pour cet album de 74 qui a de grands échos, de grands parallèles avec Trick of the Tail de Genesis. And his sail was set in search of land. His life out solely by him and was guided by the tide. Heroine was fleecy white, she beckoned like some savior bright. Shipwrecked sailors in the night were bid welcome to her side. Must surely cease the irresistible white fleece led hero in search of the peace which she alone could offer. Thus he knelt before her feet, wary lest their eyes should meet. He knew his life was incomplete, for he had yet to suffer. Speak while realizing he was weak, his life increasingly grew. sun shining. Watched her is steadily dying. Candles are alight. I sit alone in mourning. I wonder, is there death after life? 1975, le ton se durcit un petit peu. Nos compères vont vers des choses un petit peu plus noires avec un album intitulé Ghosts, les fantômes. Les compères, c'est notamment David Cousins qui est aux vocals, c'est Dave Lambert qui est aux vocals et également et à la guitare, c'est John Oakland qui est au piano, clavier, harpsichord, mellotron, etc. Et Chas Kronk qui est à la basse. Voilà essentiellement le pilier du groupe. Et j'oublie ici le batteur quand même, Rod Combs, puisqu'il y a deux O, Rod Combs aux drums. Donc nos compères, je disais, en 75, durcissent un petit peu le ton, et c'est ma foi réussi, c'est un album qui est très bien reçu par la critique, peut-être pas mon préféré, mais vous allez voir, un seul morceau, la suite Ghost, qui vaut vraiment le détour. eyes can reach me under. Beside your baby angel stands. Can I touch his withered hands? Thank you. le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Une petite pause avant de terminer ce panorama de Strobes. Panorama incomplet puisque le groupe a produit énormément. Une petite pause avec une revue de presse. Tout d'abord, deux journaux. Plouk Magazine, le fanzine, je dirais même le magazine de Ange qui fête son numéro 60 et les 20 ans du Pied dans la Marche, qui est le fan club de Ange. Avec au programme dans ce numéro 60 un superbe portfolio de Ange, les news du groupe de Belfort. J'aime beaucoup aussi les crobards de l'ami Eric Martelat. Voilà, 28 pages. On s'abonne, vous retrouverez les coordonnées de Plouk sur n'importe quel moteur de recherche. Voilà pour Plouk Magazine. Je passe maintenant à Prog. Vous savez, c'est la Bible outre-Manche que j'ai rapporté d'ailleurs d'Angleterre. Numéro 64, tout frais, tout neuf, tout beau, qui coûte là-bas 7,99 €. Je vous laisse calculer puisque la livre est à 1,30 €. Quoi de neuf dans ce numéro 64, un dossier complet sur Phil Collins, une interview du groupe canadien, je dis bien canadien, Prog FM, qui est tout à fait bienvenue. Également une interview des Zombies, souvenez-vous, ils étaient venus jouer en novembre chez nous. Chronique que je l'ai noté et ça fait plaisir, Cocorico, du dernier album de la Zulie, avec aussi un article, une chronique sur le coffret de Magma. J'ai noté encore plein d'autres choses, dont notamment une interview très intéressante de Brian Lane. Brian Lane, vous allez me dire, bah oui, c'est le manager de Yes. Tout à fait. Voilà pour donc Prog, le magazine britannique. On termine notre panorama incomplet, comme je le disais, de Strobes, avec en 75 un album qui s'intitule No Madness. Le ton est déjà un petit peu tombé, on est moins dans des terres progressives, mais il y a encore quelques petites pépites à prouver, pour, comme preuve, le numéro 8 tout de suite. I really don't wanna know if there was Is it the painter or the picture hanging in the gallery, admired by countless thousands who attempt to read the secrets of his vision, of his very soul? Is it the painter or the picture hanging in the gallery? Or is it but his still life of his own interpretation of the way that God has made us in the image of his eye? Is it the sculptor or the sculpture standing in the gallery, touched by fleeting strangers who desire to feel the strength of hands that realize the form of life? Is it the sculptor or the sculpture standing in the gallery, or is it but the tenderness with which his hands were guided to discard the unessentials and reveal the perfect truth? Is it the actor or the drama playing to the gallery, heard in every corner of the theater of cruelty that masks the humor in his speech? Is it the actor or the drama playing to the gallery, or is it but the character of any single member of the audience that forms the plot of each and every play? Likeness hanging in the gallery, tongue black, still and swollen, his eyes staring from their sockets. He is silent now, will sing no more. Is it the singer or his likeness hanging in the gallery, or is it but his conscience, insecurity and loneliness, when destiny becomes at last the cause of his demise? Promise. what wisdom used to be. So the struggle has begun, which has never yet been won. Hear the people, hear them say, Voilà, trois extraits de No Madness. On peut dire que c'est, de l'avis général, le dernier album véritablement progressif de nos amis de Strobes. Strobes comme strawberries, hein, n'est-ce pas? Vous avez fait la relation avec les fraises. À noter que sur No Madness, un petit Rick Wakeman était venu donner un coup de main à nos compères. Voilà, on va terminer parce qu'il est tard. On va terminer avec une petite curiosité, mais qui est plus qu'une curiosité, puisque le groupe s'est remis à travailler sur Hero et Heroine en 2011. Le groupe existe toujours, hein, mais ils ont réenregistré cet album, comme certains font, je pense à Banco par exemple. Donc Hero and Heroine in Ascensia, c'est le petit nom, les deux petits mots qu'ils ont rajoutés pour le différencier donc de la version d'origine. C'est fort bien troussé, c'est revisité, c'est très intéressant. Un tout petit bémol, de temps en temps, la voix de Dave Cousins a un peu vieilli, un petit peu des difficultés. Hein. Mais bon, c'est quand même de très très bon niveau. Voilà, je vous passe tout de suite donc Midnight Sun, vous allez reconnaître, version donc 2011. Thank you. Voilà, ainsi s'achève cette spéciale Strobes. Comme je disais à l'ami Michel qui m'appelait tout à l'heure, j'ai eu l'impression de découvrir une caverne d'Ali Baba. J'espère que ce plaisir a été partagé. En tout cas, les amateurs de Genesis, Renaissance, King Crimson, Muddy Blues ont dû se régaler, je l'espère en tout cas. À noter, comme le précisait Michel, que John Hawken, le claviériste que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, a participé à l'aventure Renaissance. Ça explique pas mal de choses. Voilà, vous savez tout, ou presque. Simplement, l'émission, eh bien, elle sera disponible en podcast, comme d'habitude, très très bientôt, je pense, courant de la semaine. Premier point. Deuxième point, eh bien, la prochaine émission, celle d'avril, ce sera le 4. 4 avril, 4-4. Non, je ne viendrai pas en 4-4, c'est juste pour vous rappeler que c'est le 4 avril. Voilà, étonné Tati, à que la prochaine. Ciao, ciao, et moi je vais rentrer me manger un plat de fraises. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche avec le soutien amical de Michel Blackbird. Merci à lui. Est-ce que vous pouvez éviter de me fumer dans la figure? Parce que j'essaye d'arrêter. Ah, je sais pas comment. Alors moi, je veux de la tromper. Sol FM 100.7.